Chapitre 32e. Depuis que Madame d'Alifard savait son fils amoureux de Juliette, elle avait examiné toutes les probabilités qui pouvaient se présenter comme conclusion à cet amour. Cependant, il y en avait une qui n'avait point traversé son esprit. C'était celle dans laquelle Juliette ne devenait pas folle de joie en apprenant que son mariage avec Adolphe était assuré. Selon Madame d'Alifard, il devait alors se produire une explosion de reconnaissance qui jetait Juliette dans ses bras. C'était bien le moins, un pareil mariage. On ne passe pas ainsi tout à coup de la pauvreté à la fortune sans un trouble de joie. Aussi fut-elle déconcertée en voyant la froideur de Juliette. Mais ce moment de surprise dura peu, et bien vite elle trouva une explication à l'attitude de Juliette. « Elle veut se faire valoir », se dit-elle. Et comme elle connaissait toutes les roueries à l'usage des commerçants qui veulent parer leurs marchandises, elle se promit de ne pas se laisser prendre à cette ruse. Mais elle ne se fâcha pas, et au fond du cœur, elle fut plutôt satisfaite que blessée de rencontrer chez sa future belle-fille cette force de caractère et cette habileté de conduite. Ce sera une femme qu'on ne mettra pas dedans facilement. Elle aimait les gens qui ne se laissent pas mettre dedans. Et comme elle avait conscience de sa supériorité, il lui plaisait d'avoir affaire à ces gens-là. La lutte la stimulait et l'égayait. « Ma petite fille, dit-elle, il faut être franche avec moi. Je le serai avec vous. Vous êtes intelligente. Je ne suis pas bête. Jouons carte sur table. Je suis certaine que nous nous entendrons. Le mariage est une association où chacun apporte ce qui lui appartient. La part de mon fils, c'est sa fortune et sa situation. La vôtre, c'est votre beauté. Ne rejamez pas. Je ne veux pas vous déprécier ou vous humilier. On a ce qu'on a. Dans le présent, mon fils a une fortune et vous n'avez rien. Mais dans l'avenir, vous pouvez le rendre heureux. Et je reconnais que le bonheur est une valeur comme une autre, qu'on peut prendre en compte. Je l'accepte donc. Seulement, comme elle n'est payable qu'à long terme, « je fais mes conditions, vous ferez les vôtres après. C'est par la discussion qu'on se met d'accord. Il y a deux choses dans la vie, n'est-ce pas? Les affaires de sentiment et les affaires d'intérêt. Les affaires de sentiment, je vous les abandonne. Vous en serez seule maîtresse, et je vous promets de ne pas intervenir entre vous et votre mari, si vous le rendez heureux. Quant aux affaires d'intérêt, c'est différent. Je me les réserve, et je vous demande de ne pas intervenir entre Adolphe et moi. On me reconnaît de l'habileté dans les affaires. Vous pouvez donc être certaine que les vôtres seront en bonne main. Je dis les vôtres parce que je vous accorde le régime de la communauté, réduite aux acquêts, bien entendu. D'autres, à ma place, partant de la différence considérable qui existe entre votre situation et celle d'Adolphe, exigeraient peut-être le régime de la séparation de biens. Moi, non. Je ne trouve pas ça juste. Je vous l'ai dit, le mariage est une association. Trouvez-vous que je vous fais d'assez beaux avantages et un contrat rédigé d'après ces idées vous plaît-il? Ne me dites pas que vous ne connaissez rien aux affaires. Les femmes comprennent toujours celles qui sont à leur profit. Et vous êtes trop fine pour ne pas voir que l'engagement moral que je vous demande est bien peu de chose à côté de l'engagement légal que je vous accorde. » Madame d'Alifard avait parlé avec une telle volubilité que Juliette n'avait pas pu placer un seul mot. Plusieurs fois, elle l'avait voulu interrompre, mais toujours Madame d'Alifard lui avait imposé silence, soit avec la main, soit en élevant la voix. « Voyons, mon enfant, dit Madame d'Alifard en l'arrêtant, que pensez-vous de mes conditions? Avouez franchement que vous ne vous attendiez pas à cela. On dit Madame d'Alifard par-ci, Madame d'Alifard par-là, et l'on veut faire croire que je coupe les liards en quatre. Vous voyez si c'est vrai. Mais attendez-vous à d'autres surprises. Parlez donc, répondez-moi. Et si ça ne vous va pas, discutons nos arrangements. Mettons-nous d'accord sans les gens d'affaires. » Mais, madame, dit enfin Juliette, avant de nous mettre d'accord sur ces arrangements dont vous parlez, il faudra l'être sur le mariage, et vous savez bien que je vous ai dit que je n'étais pas décidée à me marier. Tout ce que vous voudrez, mais pas cela, n'est-ce pas? Parlons sérieusement. Rien n'est plus sérieux. Demandez-moi ce que vous voudrez, et si c'est possible, je vous l'accorderai. Je vous le promets. Vous verrez que je suis très large et que vous avez plus d'intérêt à être franche qu'à marchander ainsi. Ah, madame, pouvez-vous croire? Je crois que vous êtes en défiance, et que vous vous figurez que je veux abuser de la supériorité de ma situation pour vous imposer de dures conditions. Alors, de votre côté, vous voulez vous servir de la puissance que vous donne l'amour de mon fils pour m'amener à composition. Vous voyez que je suis franche, mais en même temps, vous voyez aussi que je ne me laisse pas prendre à ce jeu. Je vous jure que ce n'est pas un jeu, s'écria Juliette, et que je parle sincèrement. Alors, ma pauvre fille, vous êtes folle. Comment ? Je consens à votre mariage avec mon fils, je vous apporte une fortune et une position, je vous assure un avenir magnifique. À votre mère, j'assure une vieillesse tranquille dans l'aisance. Vos enfants prendront la place qu'ils voudront dans la société, et vous me répondez que vous n'êtes pas décidé à vous marier. Que voulez-vous donc ? Un roi ? Il y a des royaumes qui ne valent pas la maison d'Alifar. Et si je vous disais que c'est précisément la richesse de la maison d'Alifar qui me rend hésitante? Et je vous répondrai que vous êtes de plus en plus folle. La fierté n'est pas de la folie. Je ne veux pas qu'on me reproche d'avoir fait une spéculation en me mariant. Et qui vous reprochera cela? Pas moi, assurément. Vous m'avez tout à l'heure accusé de spéculer sur l'amour de votre fils pour vous arracher je ne sais quels avantages. Il n'y avait dans mes paroles ni accusation ni reproche. Je trouve tout naturel que vous ayez désiré épouser mon fils. De même, je trouve tout naturel aussi que, vous sachant aimer, vous ayez voulu tirer parti de cet amour, chacun pour soi. Il ne convenait pas à Juliette d'engager avec Madame d'Alifar une discussion sur ce sujet, ni de relever ce qui la blessait dans ses idées naturelles. Elle se contenta de répéter ce qu'elle avait dit. Elle tenait à sa liberté, elle ne voulait pas renoncer à la peinture. Enfin, elle avait plus d'effroi que de goût pour le mariage. Tout cela fut dit par elle d'un ton calme, avec des mots choisis pour ménager l'amour-propre d'Adolphe et ne pas blesser Madame d'Alifar. « Vous savez, dit celle-ci, que je vous ai toujours considérée comme une originale, mais ce que vous faites en ce moment dépasse ce que j'attendais de vous. Ce n'est plus de l'originalité, c'est de la démence. Cependant, ma chère Juliette, je ne ferai rien pour changer votre détermination. Quand j'ai vu mon fils décider à vous épouser, je vous avoue que j'étais très malheureuse. Et tout d'abord, j'ai pensé à m'opposer à ce mariage, qui, à cause de votre manque de fortune, ne satisfaisait point mon ambition. Car pour Adolphe, j'ai de l'ambition, j'en ai même beaucoup. Si j'ai cédé, ça a été pour ne pas pousser mon fils au désespoir. Il m'a dit que je tenais sa vie et son bonheur entre mes mains. Naturellement, je lui ai sacrifié mes projets, et je suis venu à vous. Maintenant, vous me repoussez. Vous devez comprendre que je ne peux pas insister, et que je retourne à mes anciennes idées. Cette affaire désormais entre vous et mon fils. Tout ce que je vous demande, c'est de dire à Adolphe la démarche que j'ai faite auprès de vous, car il ne la connaît pas. Il sait que je suis ici, cela est vrai, mais il ignore dans quel but. Vous voudrez bien lui expliquer que, pour le rendre heureux, j'étais venu vous apporter mon consentement à votre mariage, et que c'est vous, vous seul, qui n'avez pas voulu me donner le vôtre. Mais, madame, mais ma chère fille, j'aime mon fils, moi. S'il est malheureux, je veux qu'il sache au moins que ce n'est pas par ma faute. Je pourrais sans doute lui donner ses explications moi-même. Il me semble qu'elles lui seront moins douloureuses dans votre bouche. Vous lui devez bien cela. » Sur ce mot, elle se leva, et ayant regardé l'heure à sa montre, elle remit en un tour de main son chapeau et son mantelet. Mais à ce moment, on frappa à la porte de l'atelier. « Tu es enfermée ? » cria la voix de Madame Nélis. Juliette alla ouvrir la porte, et dans le vestibule, on aperçut Madame Nélis, qui tenait dans ses bras une pièce d'étoffe dépliée. « Tiens, cette chère Madame d'Alifar, s'écria Madame Nélis, comme ça se trouve. Vous allez me donner votre avis sur cette robe que je viens d'acheter, 39 sous le mètre, n'est-ce pas que c'est bon marché? Il y avait la même disposition en soie et c'était délicieux. Mais vous savez, il faut faire des économies. Quel bon vent vous amène chez nous? Je venais pour fixer le jour du mariage de Juliette et d'Adolphe, dit Madame d'Alifar d'un ton bourru. La surprise fut si grande chez Madame Nélis qu'elle laissa tomber son étoffe délicieuse, puis, marchant dessus, sans souci de la friper, elle se jeta dans les bras de Madame d'Alifar. « mais celle-ci ne s'abandonna point à cette effusion démonstrative. « Gardez votre satisfaction, dit-elle. Juliette ne veut pas de mon fils. Comment ? Elle n'en veut pas. » Madame Nélis resta un moment décontenancée, regardant Madame Dalifard, regardant sa fille, et se demandant manifestement si elle rêvait. Mais elle se remit bien vite. « Ah, permettez, dit-elle. Les mariages se traitent entre les parents et non entre les enfants, c'est la règle. Il est des convenances que les gens du monde... « Nos enfants ont changé cette règle, » interrompit Madame Dalifard. « Demandez à votre fille. »« Permettez, permettez. Ce qu'on fait sans en avoir le droit n'existe pas pour moi. Je suis le chef de la famille. C'est à moi de répondre à votre demande et non à ma fille. » Cela fut dit avec dignité, mais sans toucher Madame Dalifard qui, arrêtée un moment dans sa marche, continua d'avancer vers la porte. « Pour moi, » poursuivit Madame Nélis, « je dois vous dire que je suis heureuse de votre demande. J'aime beaucoup Adolphe, et je ne connais pas d'homme qui mérite mieux que lui d'être mon gendre. Vous avez donc mon consentement. C'est celui de Juliette que mon fils désire. Ceci est mon affaire. Je parlerai à ma fille. Je lui ferai entendre la voix de la famille. Je vous demande jusqu'à demain pour vous porter ma réponse. » « Alors à demain, » dit Madame Dalifard. Puis, se tournant vers Juliette, « Je vous enverrai, Adolphe. N'oubliez pas ce que vous m'avez promis. » En rentrant dans l'atelier, Madame Nélis aperçut son étoffe sur le parquet. Elle alla la ramasser, puis elle la posa sur un fauteuil en la drapant de manière à simuler les plis d'une jupe. « Si tu n'avais pas fait cette sotte réponse à Madame Dalifard, dit-elle à sa fille, je serais allé tout de suite chercher la disposition en soi. Mais j'espère que demain tout ne sera pas vendu. N'est-ce pas que c'est délicieux ?» « Ah, maman, je n'ai pas l'esprit à la toilette. »« C'est juste, et pour le moment, nous avons affaire plus pressante. Causons de ton mariage. »